L'actualité à Nancy et ailleurs. Gérald Seret, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, humoriste, interprète et vous avez lancé sur YouTube Breaking Fake News, une revue de presse décalée et ainsi que des parodies musicales. Tout ça, c'est visible sur YouTube et sur les réseaux sociaux plus généralement. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots ? Moi, à la base, j'ai plutôt travaillé dans la finance, mais j'ai vite fait le tour, et puis c'est pas ce qui me correspondait le mieux. Ça fait longtemps que je voulais faire de l'humour mon métier, et c'est vrai que depuis tout petit, j'avais déjà, on va dire, cette tendance à faire marrer tout le monde. Mais vous savez, voilà, les parents vous disent « oui, mais c'est pas un métier, on peut pas en vivre, etc. etc. » Et c'est vrai qu'au début du premier confinement, cette envie est revenue, cette envie de changement, et puis j'ai eu aussi quelques petits problèmes de santé qui m'ont fait réfléchir sur ce que je voulais faire, et du coup, je me suis lancé. Voilà, vous avez donc quitté la finance pour l'humour. Tout à fait. Deux formes d'humour que vous traitez sur YouTube notamment, les parodies musicales et Breaking Fake News. Les fake news, c'est un terme qui revient très souvent, surtout depuis cette crise sanitaire. Et c'est cette crise justement qui vous a donné envie de mettre en avant ça. Expliquez-nous un peu aussi le concept de cette revue de presse. Bien sûr. Alors, le concept de la revue de presse décalée, c'est de reprendre des infos, de les modifier un peu ou de les détourner pour arriver à en faire quelque chose d'humoristique et d'impertinent. Et voilà, pas forcément prendre des choses qui ne soient que vraies, mais il y a quand même un fond de vérité à chaque fois, soit dans l'information qui est traitée, soit dans la façon dont c'est tourné en dérision. Et puis voilà, c'est une petite revue de presse, comme si c'était un zapping radio de ce qu'on peut entendre comme information, et bien sûr avec un détournement humoristique. Avec un ton critique, pour dénoncer des choses avec le fond de l'humour. Le but déjà, c'est de parler des choses, d'en faire parler, et d'avoir effectivement ce ton critique, ce ton parfois même un peu acide, pour susciter des réactions ou à tout le moins l'interrogation, quoi, que chacun puisse se poser les bonnes questions. Quel retour vous avez aujourd'hui ? Parce que voilà, vous avez confronté votre humour sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Quel retour vous avez aujourd'hui ? Le retour est plutôt positif de la part des personnes sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a toujours quelques grincheux qui trouvent à redire quel que soit le sujet, mais ça, voilà, malheureusement, c'est l'écueil des réseaux sociaux. Le retour est plutôt bon et j'ai des contacts actuellement avec deux radios nationales que je ne vais pas citer, mais deux radios FM qui seraient intéressées pour éventuellement me faire travailler et me confier une petite pastille humoristique sur leurs antennes. Voilà, que vous avez sollicité ou c'est elles-mêmes qui sont venues à votre rencontre ? J'avais sollicité l'ensemble des acteurs médiatiques, de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, et puis il y en a certains effectivement qui sont revenus vers moi. Dans l'humour, il y a parfois des personnes qui vous inspirent plus que d'autres. Si vous deviez rattacher un peu votre manière de voir l'actualité et la manière de la traiter, vers qui vous vous dirigeriez ? Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Desproges. Voilà. Après, effectivement, il y a du Coluche, il y a du Desproges. Sur le fait de jouer avec les mots, il y a du Raymond Devos. Voilà. Ça, c'est une inspiration. Et puis, bien sûr, il y a tous ceux de mon enfance, tous ceux qui m'ont marqué pendant mon enfance ou mon adolescence, les nuls, les inconnus, le type d'humour, les guignols de l'info, bien sûr. Et puis, plus récemment, Nicolas Canteloup, Laurent Gérard. Voilà, des personnes qui sont inspirantes. En 2021, l'humour des proches de Coluche, parfois, pourrait choquer bien plus qu'à l'époque. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de choquer ? J'ai pas peur de choquer. Je sais que, de toute façon, quel que soit le sujet, je reçois des messages désagréables, voire haineux. Donc, qu'on parle de la météo, du sport, de la politique ou autre, de toute façon, il y aura toujours ce type de réaction. Mais c'est vrai, ce que je constate malheureusement, c'est que ce que faisaient Desproges ou Coluche il y a quelques années, le faire aujourd'hui engendre des problèmes. Et très clairement, on n'a plus la même liberté d'expression, quoi qu'on en dise. Et donc, vous avez donc cette possibilité, cette opportunité de vous retrouver diffusé sur des radios nationales. Comment vous le ressentez aujourd'hui ? Je le ressens à la fois comme une chance et en même temps comme un challenge pour arriver à exprimer ce que je souhaite exprimer tout en ayant une audience plus large. Mais je ne souhaite surtout pas y perdre ce que je suis, c'est-à-dire la façon dont je traite les choses, mon âme et avoir une liberté de ton et de parole. On a évoqué les Breaking Fake News, on n'a pas parlé par contre des parodies musicales. Ça aussi, c'est une manière d'aborder l'humour et l'actualité, parce que vous parlez de politique dans ces chansons. Mélenchon a droit à sa chanson, Cyril Hanouna aussi pour ce qui est des médias. Ça vous tient à cœur aussi particulièrement, cette manière de traiter l'humour ? Oui, tout à fait, parce que la musique comme l'humour sont d'excellents vecteurs pour faire passer des messages. Et puis, si on peut rire en détournant quelque chose déjà existant, c'est-à-dire évoquer un souvenir que chacun peut avoir d'un morceau musical, du chanteur, etc., et de le détourner en tournant ça en dérision avec des faits réels, avec de l'actualité, qu'elle soit médiatique ou politique, oui, ça me semble être assez agréable. J'ai d'ailleurs de bons retours là-dessus, quoi. Les gens sont très, très intéressés par les parodies. Et vous êtes seul auteur de vos textes ? Tout à fait, oui. Je travaille tout seul, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour l'avenir ? Eh ben, on peut me souhaiter de voilà de signer avec une de ces deux radios et surtout de pouvoir garder ma liberté de ton, ma liberté d'esprit et mon acidité quand je souhaite en rajouter une petite pointe. Merci beaucoup, Gérald de Seret. Merci. Pour terminer cet entretien, un extrait des Breaking Fake News de Gérald de Seret que vous retrouvez également sur YouTube sur la chaîne Gérald de Seret. Oh, dis donc, Gainette, tu en fais une tête. Et c'est depuis que tu as raté le tir au but, Mbappé. Ah, mon pauvre Gainette, l'important, c'est qu'il nous reste le trésor des Choubera. Mais tu pleures maintenant, Gainette ? C'est pas moi qui pleure, Mbappé. C'est mes yeux, à force de regarder ces news et BFM télé. Mais arrête de pleurer comme un imbécile, ça gicle. Et moi, il me faut de l'authentique, Mbappé. Quand on a commencé d'étrangler le chat, il faut le finir. On va écouter les BFN. Les BFN, je les aime. Je les aime d'amour. Le paquet de farine jeté sur Jean-Luc Mélenchon a été retrouvé. C'était de la France insoumise. Novak Djokovic a remporté Roland-Garros. Et pour Raphaël, nada. Le chef d'état-major des armées quitte ses fonctions. A-t-il bien pris le temps de peser le pour, le cointre ? Mélenchon enfariné, enfin un digne successeur du général Boulanger. L'humoriste Gérald de Seret, ses Breaking Fake News à retrouver en intégralité sur sa chaîne YouTube ainsi que ses parodies musicales sur la chaîne Gérald de Seret.